Bonjour Eni Elou. Bonjour. Alors il paraît qu'hier il y a du monde qui vous a écouté. Oui. On va peut-être leur dire bonjour à tous ces gens-là. Bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce que vous faites encore ici aujourd'hui? Bah, on revient faire un podcast. Un podcast, c'est quoi un podcast? C'est parler dans le micro et après, on va tout écouter dans un casque. Dans un casque? Oui. Et alors, mais s'il y a des gens qui nous écoutent, ils l'écoutent dans le casque avec nous? Ben non. Ils l'écoutent sur quoi, eux? Sur leur portable. Ah, on passe par Internet alors. Oui. Ouais. Et Internet, en ce moment, c'est intéressant d'avoir Internet. Oui. Pourquoi? Parce que ça nous aide. Quoi, ça nous aide? Qu'est-ce qui s'est passé encore aujourd'hui? Vous êtes allé à l'école aujourd'hui? Non. Vous n'êtes pas allé à l'école? Et c'est pas bien ça, hein? Moi, attendez que je croise votre maître et votre maîtresse. Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'école? Parce qu'il y a le coronavirus. Encore, il commence à nous casser les pieds, celui-là, hein? Oui, Et alors, vous avez fait l'école à la maison? 6 semaines et on reste 15 jours à la maison. 15 jours minimum, ouais. Ouais. 15 jours, mais on va jamais tenir. Bah si, on fait Si? l'école à la maison. Ah, bah oui, donc c'est cool. Bah oui. Et notre travail sur les maths, c'était pas expliqué, moi. C'était pas expliqué. Oui, mais alors du coup, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Avec Internet, on a pu joindre ton maître. Oui. Et ton maître, il nous a dit ce qu'il fallait faire. Oui. C'est pas mal, ça, en fait, hein. Oui. Et donc, finalement, ça vous plaît comme situation? Oui. Il n'y a rien qui vous manque. Non. Vous n'avez pas envie de voir votre maître ou votre maîtresse? Non. Ah bon? Non. Bah, s'ils écoutent, ils vont pas être contents, hein. Et vos copains? Oui. Oui. Ça, il vous manque vos copains? Oui. Ouais. Oui. Et Nanou? Oui. Bon, bah, il va falloir patienter un petit peu, hein. En attendant, on fait l'école, on fait des jeux avec papa et maman, on joue avec le chien. Oui. Ouais. Hé Lou, c'est quoi ça en face de toi? Je sais pas. Comment ça s'appelle ça, Ellie? Un micro. Un micro, qu'est-ce qui se passe quand on crie dans le micro? Et ben il se casse. Ah, on peut le casser celui-là, ouais, parce que celui-là, il est fragile. Oui. Et les gens qui écoutent, qu'est-ce qu'ils prennent dans les oreilles? Plein de bruit. Des décibels, hein? Ouais. Alors, on parle devant le micro, on fait attention à pas crier trop fort, et puis, quand on a des choses intéressantes à dire, on les dit. Vous avez des choses intéressantes à dire, vous? Qu'est-ce que tu as d'intéressant à dire aujourd'hui? J'ai colorié des petits poussins. Des petits poussins? Oui. Et un crocodile. Tu as fait du dessin, t'es une artiste. Et toi, Ellie, tu as dessiné? Non. T'as fait des maths? Oui. T'as fait de la physique? Non. Qu'est-ce qui est le plus lourd? Le ballon ou le gobelet? Non, mais c'est la balle le plus lourd. Ah, c'était la balle le plus lourd. Ah, bah, t'as fait de la physique. On dit à demain? À demain!